Bonjour André. Il est arrivé en retard, mais en avance. Ben, c'est bien qu'il est arrivé en retard. C'est assez facile à comprendre, mais c'est ce genre de... Il a pensé à ça que la fin de semaine. Ben oui, il a obsédé là-dessus. On lui avait demandé une seule chose, c'était de pas toucher à son horloge. Mais il l'a fait toucher à son horloge. Hey André. Oui. T'as vu comment est-ce que je t'en détresse quand je t'ai appelé sur ton cellulaire? T'as l'air de l'être encore. Mais je t'ai accroché. Mais le pire, c'est que je vais le voir puis il me dit, continue de douter, Yves. Laisse-toi pas avoir. Yes. Ils vont mettre un doute dans ton cœur. Ils vont leur expliquer ce que tu viens de m'expliquer en sautant comme un kangourou, là. Yes. Je suis arrivé, André, avec un principe de tapis. Quand les chaises, les tables, c'est un tapis, et le plancher est à la même place. Tu vas leur expliquer ça. Maudit gage. Je trouvais que ça avait du bon sens. Puis, si t'avais insisté, je t'aurais parlé de deux gars qui se lancent la balle dans un train en marche. Il y a un gars en avant du wagon, puis un gars à l'arrière du wagon, puis le train va plus vite que la balle. Est-ce qu'elle va se rendre? Ben oui, voyons. Ben, comment tu peux dire ça? Ben voyons donc. Parce que lui, toi... Sauf sur le tapis un petit peu, là. Hein? Sauf sur le tapis un petit peu, c'est ça. Mais ben, imagine-toi que t'es dans un train qui va à 150 000 à l'heure, puis que t'es en arrière du train, puis là, tu sautes dans les airs. Est-ce que tu risques de te retrouver la face dans le compartiment d'en avant, pendant que le train... Ben non, je suis une masse fixe, moi. T'es une masse fixe, toi. Oui, le train bouge. Ben écoute, quand tu prends une poche verte en avion, des fois, ton café... Ah, André, OK, tu n'embarques pas dans nos histoires. Arrête, faut vivre avec nous autres, André. Ben, c'est exactement ça. Le téléphone sonne chez nous. Là, quand je me mets sur MSN, il arrive des histoires. Là, à 20 semaines, il s'auto-flagellait. Il se traitait le cave, maudit cave que je suis. Mais j'ai tellement embarqué. Il va-tu appeler en fin de semaine? Ben oui. Pour ça? Ben voyons. Oh, come on. Non, c'est parler à MSN. Ah, c'est parler à MSN. Je m'appelle à 7h hier matin. Oui. Mais. Non, vite, on teste leur avancée. Ouais. C'est le Grand Prix. Là, André parle plus à Yves. Mais n'empêche, André, qu'à l'école, il y a bien des affaires qui ne m'intéressaient pas. La majorité des choses n'intéressaient pas l'école. Je trouvais ça plate, l'école. Oui. Mais dans les maths, quand il y avait des profs qui nous arrivaient avec ce genre de patentes-là, des histoires du genre, c'était trippant. Ben oui. C'est le phono bout. C'est exactement parce que ça te défiait. Là, tu savais que tu étais pour utiliser ton kickdown. Puis c'est la raison pour laquelle, cette journée-là, à l'école, tu étais heureux. Ben ça, on pouvait s'estimer un peu, on se challengeait, puis là, ben, tu découvrais aussi les imbéciles au fur et à mesure. Là, tu sais, mettons, t'étais rendu, tu n'avais 7 en 10, puis il y en a un qui était 0 en 10, mais tu pouvais voir, mais on a un qui n'arrache, on a un qui n'arrache. C'est idiot, là, il va parler, monsieur a droit de réplique. Écoute, Bovin, là, je vais te rajouter, en parlant d'idiot, là, il est clair et honnête de dire que j'ai été le moteur, André, hein? Parce que tous ces gens-là qui te parlent présentement ici ont hésité eux aussi. Je leur ai transmis ça, hein. Denis cherchait tellement qu'il avait chaud. Tant que t'es pas venu nous déranger, Yves, ça allait bien nous autres. C'est drôle, hein? Moi, j'ai arrivé avec une réponse en 15 secondes. Là, t'es arrivé avec tes auditeurs que t'écoutes. Toi, t'écoutes tout le monde. T'écoutes tout le monde. Puis là, après ça, tu te mets à douter. Puis, ah ouais, donc, là, mais je suis pas le seul. Je suis celui qui a embarqué le plus facilement et le plus rapidement. Mais je l'entraînais une maudite gang avec moi, hein. Ben oui, mais c'est normal. Non, c'est pas normal! Écoute les rires à l'autre bout. Ah, pour ça, la vie est belle, André? Ben, je présume que oui. Là, on va finir par s'en apercevoir. Arrête, par exemple. OK. Non, mais écoute, il y a des cartésiens et il y a des émotifs. Des rêveurs. Il y a des rêveurs. Mais tu m'as joué, Arthur, d'aplomb. Je t'ai juste écouté. Ah oui. Je vais le voir. Rien dit. Je vais le voir me faire un film. Fait, je pars de là, je suis tout fier. Je t'ai écouté, je t'ai laissé parler, j'ai opiné du bonnet, je t'ai pas ostiné. Puis tu t'es fait la job toi-même. Et c'est ça. T'en plais ça. Puis c'était le but de l'exercice, puis il a tombé dedans. À deux pieds. Naïf comme ça se fait. On se reverra à l'automne. Ah non, mais là, ça va être assez. On verra à l'automne. Ça fait combien d'années que tu poses la même question, Simon? Ben, j'ai commencé avec Benoît Pou. Ça date pas d'hier. Yes. Hey, on est prêts pour les playoffs, nous autres. Hein? Ah oui, hein, ça va être gros. À quel moment dans les playoffs tu vas commencer à regarder les matchs au complet puis à te placer là d'une façon là comme un bon spectateur? Mais j'ai des intentions. J'ai des intentions qu'au premier match, je veux le regarder au complet, ce serait mon premier match de l'année. Okay. Mais j'ai des intentions, j'ai pas dit que j'allais le faire. Parce que je parlais avec Martin tantôt. Pour lui, c'est un nouveau hockey. C'est la preuve que la saison n'a pas d'importance, ou à peu près pas. Puis là, à partir d'aujourd'hui, on va voir un hockey qu'on n'a pas vu au cours des dernières semaines. Je pense encore plus vrai dans l'Ouest. Oui, hein? Ouais. Dans l'Ouest, j'ai regardé des games hier après-midi qui étaient plus ou moins importantes, entre autres les Sharks qui jouaient contre Los Angeles. Los Angeles qui n'est pas dans les playoffs parce qu'ils ont un paquet de blessés depuis le début de la saison. Puis les Sharks qui ont la meilleure saison de leur histoire, 104 points, qui étaient dans un aréna. Tu sais, quand on dit que le hockey ne marche pas dans les endroits où il fait chaud, puis les endroits où on a voulu rentrer le hockey par la force des choses, puis que finalement on n'a pas réussi. Tampa Bay qui connaît une saison extraordinaire. Les Sharks qui, depuis leur arrivée à Saint-Jose, remplissent l'aréna tous les soirs où c'est le party bien raide. Même que c'est l'après-midi, les gens qui osent aller à l'intérieur de l'aréna, même sur des belles journées ensoleillées de 18-19 degrés à l'extérieur, là, où ils pourraient prendre du vin et aller ramasser des petits légumes dans petite ferme pas trop loin. C'est extraordinaire. C'est la même chose à Tampa Bay. C'est plus une histoire de quand les arénas sont vides, parce que les gens ont plus confiance en la direction qui est là, ils sont écœurés de se faire offrir de la merde, et ils leur disent, on va y retourner quand vous serez des gagnants. C'est ça, mais on a eu droit hier à un bon match de hockey. Je regardais la rapidité d'exécution dans l'Ouest, toujours impressionnant. Toujours. Ça m'a toujours frappé quand on voyait des matchs dans l'Ouest que c'était pas comme la même ligue. C'était pas comme le même arbitrage, c'était pas comme le même... Ça s'accroche pas, on dirait. Ouais. Je sais pas pourquoi, on dirait qu'il y a moins de trappes, il y a moins de systèmes. Regarde, je dois absolument éliminer l'autre en l'accrochant. Ça, on dirait qu'il y a encore de la place sur la patinoise qu'il n'y a plus dans l'Est. Mais n'empêche que, même dans l'Est, j'ai l'impression qu'effectivement, je suis un peu comme Martin, c'est une autre ligue qui commence, et ça montre le ridicule d'une saison de 82 matchs. Oui. Ça commence une saison qui... Là, on va avoir l'impression qu'il y a des clubs qui vont se réveiller. Moi, j'ai le feeling que probablement Toronto va, comme Dan nous disait ce matin, Dan, il va jusqu'à la Coupe, mais Toronto s'est bâti une équipe pour les playoffs. On va voir, là, ils ont sorti l'armement des playoffs contre Ottawa cette semaine, ça a fini 6-0. 6-0. Puis Ottawa, qui est une équipe bourrée de talent, mais est-ce que c'est l'équipe pour les playoffs avec les playoffs d'aujourd'hui où ça va frapper? On va voir. Mais Canadiens, moi, j'ai donné Boston en 6. Il y en a qui disent Canadiens en 6. On nous dit que Théo est tellement avantagé par rapport à Ray Kroft. Et pourtant, j'ai entendu parler toute l'année de Ray Kroft comme étant un gardien de but extraordinaire à sa première année. Et c'est même lui qui a sauvé une partie de la saison des Bruins. Mais là, dans les playoffs, il paraît que Théo, c'est tellement un joueur dominant que... Mais oublie pas ce qu'on veut pas dire. Et ce qui est évident, c'est qu'il a jamais été si à côté de la plaque que ça, Théo. En fin de saison. J'ai de la misère avec ce gars-là. J'ai dit ce que j'avais à dire de ses relations familiales. J'ai dit ce que j'avais à dire du fait que dans une ligue de sport où l'intégrité a de l'importance, il aurait été suspendu jusqu'à la fin de l'enquête sur les prêts usuraires et ses liens avec les Hells Angels. Mais ceci dit, il me pâte jamais. J'ai toujours l'impression que parfois il fait de façon miraculeuse des arrêts qu'un autre n'aurait pas fait. Mais règle générale, dans des moments où ça n'a pas d'importance. Mmh. Puis que lorsque, vraiment, là, les yeux sont sur lui, la pression est là, il choke. Oui. Maintenant, et à propos de sport, les gars, là, peut-être qu'on pourrait mettre Yves à contribution une nouvelle fois aujourd'hui en lui demandant... Coudon, Barre, là, oui, qui n'était pas capable de rien faire avec Villeneuve, puis qui figure bien depuis quoi, deux courses. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le simple fait de s'être débarrassé de Villeneuve a amélioré cette équipe à ce point? C'est simplement que ce que Villeneuve a apporté travaille aujourd'hui, donne des résultats aujourd'hui. Moi, je vais te donner un exemple, André, très simple. Tu veux dire qu'on profite maintenant, cette année, chez Barre, de l'excellent travail de Villeneuve l'an dernier? Absolument. Jacques Villeneuve avait une particularité. Jacques Villeneuve, là, faut pas que tu oublies que c'est pas un pilote qui arrive la Formule 3, hein, qui a 19, 18, 19, 20 ans, 21 ans. Réponds à ta propre question. Ben, qu'est-ce qui a apporté? Attends un peu. L'ère nouvelle de la Formule 1, c'est Alonso, c'est Raikkonen. Raikkonen, un gars qui a 18, 20 courses en Formule 3. Qu'est-ce qu'il a apporté l'an dernier que Barre profite cette année? Villeneuve est un pilote sensitif. Il sent l'auto. OK. Et ses commentaires apportés aux ingénieurs donnent immédiatement des résultats sur ce qu'il faut faire pour améliorer la voiture. La qualité première de Michael Schumacher, chroniqueur communiquer ses sensations aux ingénieurs. Comment il sent l'auto? Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'elle soit meilleure, pour qu'elle porte à tel endroit, au freinage, à pli dans le coin? Ils ont attendu qu'ils partent pour mettre ça en pratique? Mais absolument! Toute l'évolution de Barre et ce qu'ils ont eu à souffrir pour essayer des pièces, ils l'ont fait avec Jacques Villeneuve. Roule donc avec le plein, mon Jacques, on va rouler bottin de léger. On va voir ce que ça va donner. Hey, Jacques Villeneuve, l'année passée, se ramasse avec une pièce qui se promène dans son volant. Et c'est curieusement une course où il est en train de réaliser les meilleurs résultats que Barre a jamais eu. Jacques Villeneuve a obtenu des podiums avec sa poubelle en Espagne et en Allemagne. Ce qu'elle a pas fait. Et là, c'est plus une poubelle parce qu'ils ont tout noté ce qu'ils avaient suggéré puis ils l'ont fait depuis qu'ils sont partis. Je te dirais que je comprends, là, André. Les années d'expérience profitent présentement et elles étaient en train de profiter l'année dernière. Si tu le dis, moi, je trouve ça tellement invraisemblable que c'en est drôle, là, mais si tu le dis. André, tu ne peux pas être un accidenté du succès quant à ta première saison. En Chem Car, t'es nommé recrue de l'année par ses pairs. L'an dernier, c'était de la merde. Cette année, ça va bien. Puis la différence chez Barre, c'est que Villeneuve est parti. Je te dis qu'il a travaillé là-dessus. Il en est pour encore une fois. Et il fait trop massif. Non, je suis pas trop massif. Ouais, je vais terminer ce que j'avais dit. Et tu peux pas nous parler de la première saison en Chem Car quand on te parle juste de la marche entre l'an dernier puis cette année. Non, mais je suis en train de vous donner un exemple de qualité qu'on a pu percevoir de par l'année passée. Je veux pas d'exemple. Je veux des faits. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre que de se débarrasser de Villeneuve? D'abord, une voiture, ce que je comprends, j'ai jamais été dans une équipe de F1, mais pour lire un peu là-dessus, puis m'intéresser à ça, ce que je comprends, la voiture qui est actuellement en piste, c'est la voiture 2003, même si elle est appelée 2004. La voiture 2003 a été développée, c'est la première vraie voiture de Jeff Willis, qui était chez Williams, qui est le concepteur avec qui Jacques a travaillé dans le temps de la Super Williams. Oui, il a remporté son championnat, comme si on ne peut pas revenir sur le passé pour expliquer le succès d'aujourd'hui. Ils se connaissent, ils ont développé une bonne relation. Jacques, à un moment donné, dit, bon, ben, le châssis va pas pire, mais il nous manque. Il est japonais, là. Il dit, il y a une vieille technologie, notre moteur, c'est de la marde. Out! Tu ne peux dire ça des Japonais. Tu ne peux pas fonctionner de cette manière-là. Par contre, il a atteint son but, c'est qu'il leur a botté le cul. Et la grosse différence, c'est sans doute le moteur qui monte maintenant à 19 000 HP d'Honda. Ils se sont botté le cul, ils se sont mis à travailler, puis ils ont livré un moteur à la hauteur de la qualité Honda. Ça s'est passé là. Il n'a pas été capable d'en bénéficier parce qu'il est fendant, parce qu'il a une attitude de moron, parce que pour un paquet de raisons. Parce qu'il est indépendant, puis il y a les défauts que tu dois. Il y a les défauts qu'un homme peut avoir, là. Il y en a des défauts que jamais il ne serait pas. Il est imbuvable, là, OK, là. Ça n'appelle pas ça des défauts, là. Il est fucking buvable. Ben, il est arrivé, il est indépendant, il n'a pas affaire à personne, il ne veut rien savoir de personne. Il est imbuvable avant d'arriver? C'est vrai, il était imbuvable. Oui, il était convaincu que le succès était pour lui et qu'il était chanceux. C'est comme ça qu'il a tiré Pollock avec lui. Mais les pilotes de course, c'est ça, hein? La perfection commence par eux autres, là. J'aime bien les gens qui performent. Ma question était toute simple. Comment ça se fait que l'an dernier, Charles, c'était de la merde, puis cette année, il gagne des courses ou presque? Écoute, comment se fait-il que McLaren bat tout le monde une saison et que l'année suivante, c'est au tour de Ferrari? Je te pose une question sur Barre. Mais c'est la même raison, c'est le... Qu'est-ce qu'ils ont changé? Mais absolument rien. Ah. L'évolution globale d'une voiture normale, c'est une écurie qui arrive. Quelle différence y a-t-il entre le Barre de la dernière course de Villeneuve et le Barre qui est arrivé presque sur le podium hier? Mais je vais te le dire, les insuccès de Williams et le rétrogradage de McLaren. Williams et McLaren, André, ne sont... deux secondes. Oui, mais Williams et McLaren ne sont plus là. Il faut pas oublier ceux qui tombent au combat cette année qui ne tombaient pas l'année dernière. L'année dernière, on était derrière Renault, derrière McLaren, puis derrière Williams. En somme, si Villeneuve avait été là hier, il aurait gagné la course. Non, mais il aurait fait le podium que Button a, et entre autres, Button n'aurait pas passé Jacques comme Sato s'est fait passer par erreur de pilotage. Il est champion du monde, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, et qu'on l'haïsse de son comportement pour avoir été très avare de commentaires sur son père, nous avoir fait rêver, nous avoir fait rire, est venu à Star Academy, il n'a rien voulu savoir de ça. C'est un anti-star, Jacques Villeneuve. On a juste à se féliciter de ça. Attitude intelligente, brillante. Il dit, moi, c'est pas parce que je suis heureux qu'il faut que je sois malheureux pour faire plaisir aux envieux. Et tu peux sauter en place sur le tapis, mais ça n'a pas de bon sens ce que tu dis. Non, je ne veux pas prolonger ça jusqu'à la semaine prochaine, mais moi je cherchais, moi je crois pas au miracle, puis en ingénierie surtout, s'il y a quelque chose qui s'améliore, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est pas juste parce que les autres sont partis, et ainsi de suite. Mais regarde, en fin de semaine les faits, André. Je te fais simplement les faits. Les faits, c'est que... Les faits, c'est que Williams finit pas, Renault finit pas, puis McLaren finit pas. Donc, Barr se trouve à être le premier des derniers. Ouais, mais ils sont quand même... Ils sont quand même à même pas 20 secondes des Ferrari sur 57 tours. 14 secondes pour Barrichello, 12 secondes pour Montoya, puis 59 secondes pour Barr. Non. Non, non, non, là, tu tombes. Avant, ça finissait 2 minutes. Là, il n'a pas ajusté sa montre. Ferrari était 2 minutes avant, après un Grand Prix, 2 minutes et demie. Non, là, non, c'est 33 secondes. Les gars lèvent le pied pour ne pas faire un trop gros gap, pour ne pas brûler le show, là, je suis obligé de vous le dire. Alors, ils lèvent le pied? Ben oui. C'est épouvantable. Ben, il aurait été encore meilleur que ça s'il n'avait pas levé le pied. Schumacher, c'était plus... je crois bien. Voyons donc. C'est évident, il a levé pour conserver la fiabilité, pour assurer le reste de la suprématie. S'il avait voulu taper des temps, ce gars-là, il faisait des records du tour après 5 tours. OK, bon. La barre de Jensen, après qu'on ait levé le pied, parce que sur les 5 derniers tours, tu lèves toujours le pied pour risquer de péter, 26 secondes. C'est énorme. Ben, 26 secondes. Mais avant, c'est 2 minutes et demie. Non, pas nécessairement. Ben, c'était 2 minutes et demie, c'était 2 tours. Je croirais pas. Ben, c'était 2 tours. Ouais, 2 tours. On n'écoutait pas même le feu. Ouais. Mais, je veux dire, les autres tombaient en avant, là. Tu peux pas rouler quand t'as une voiture en avant, Jeff. OK, le problème de base, c'est Jacques Villeneuve. Ça aussi, c'est stupide de répondre ça, hein. Ben, je me demande si ça devient pas évident. Ben, qu'est-ce qui empêchait Button de rouler mieux que Barr, mieux que Villeneuve? Oui. Allez voir les résultats, là. C'est 8-7. Sur 15 Grands Prix. Il n'y a pas de domination là, là. 8-7, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire 8 fois des meilleurs temps pour Button et 7 fois pour Jean. Ils se sont partagés les performances et les deux voitures étaient équitables. Rien n'empêchait Button d'être aussi bon que Villeneuve et vice-versa l'année passée. Il y avait un problème? Mais il l'a été. Hein? Mais il l'a été. Ouf, la raison, bagarre. Il l'a été, Yves. Dis pas... Il a été aussi bon que Villeneuve l'an dernier, puis c'était un 2 de pique, d'après tout le monde. Non, il l'a été. Effectivement, il a connu une meilleure saison parce que Villeneuve était démotivé. Ah bon. Parce qu'à l'intérieur de son équipe, il y avait des brisures, des choses, des relations qui allaient mal. Ça, j'en conviens avec David Richard. Et entre autres, il est allé insulter les Japonais, chose qu'on ne fait jamais. Oui, mais c'est pas parce que Villeneuve a insulté des Japonais que Button a été meilleur que lui. Non, mais quand ta relation n'est pas bonne à l'intérieur d'une équipe de course, il y a plein de choses pour te faire chier. Ça, je te le jure. C'est Jensen Button, probablement, qui a la vérité. En début de saison, il a dit, avec le départ de Jean, que je dois apprendre à sentir la voiture et dire ce que je pense tout haut, ce que je n'ai pas fait l'an passé. J'ai appris de Jean, il chiolait, il bottait le cul de tout le monde, ça a motivé tout le monde et ça a donné la voiture qu'on a cette année. Si on veut continuer de progresser, je devrais prendre le flambeau et commencer à critiquer moi aussi. C'est probablement le seul chose tangible qu'on peut avoir sur le travail que Jacques Villeneuve a fait sur le développement de la voiture. Le reste, regarde, c'est un bon travail. C'est ça. Et cette année, McLaren et Williams ne marchent pas. Ça ouvre la porte à Barre. Ce n'est que ça. Quand Jacques a fait son podium avec sa barre en Espagne, tout le monde est tombé en avant. Oui, mais Yves, tu peux pas enlever, c'est le dernier point, André, tu peux pas enlever en technologie les statistiques. Si les autres voitures ont amélioré leur vitesse de 2,5 et qu'on voit que Barr s'est amélioré de 3,5, ils ont quand même gagné une seconde de plus. C'est déguisé par les pneus. C'est déguisé par les pneus, mais la fiabilité n'y étant pas. Quand t'as une voiture en avant de toi, tu peux perdre 2 secondes au tour. Si c'est si compliqué que ça, comment un cave comme Tortora peut-il comprendre quelque chose? Mais il comprend rien. Ah, OK, d'accord. Il comprend rien, et c'est pas compliqué, André. T'as tout compris ce que je viens de dire. Il suffit de passer un avant-midi avec une équipe de course pour tout allumer comment ça marche dans le sport auto. Suis ça 3-4 fins de semaine de fil, tu vas dire, ah, OK, ça marche. Les pneus, les ailerons, la pression barométrique, puis comment le moteur pousse, puis qui utilise quoi. Oui, mais c'est comme Caroline Brunet qui disait qu'il vantait. Il vantait pour tout le monde. La piste, c'est la même pour tout le monde. Il vante pour tout le monde, mais un panneau... L'humidité, c'est la même chose pour tout le monde. Puis la pression barométrique est égale à peu près partout sur le circuit. Oui, sauf que tu peux être équipé d'ailerons qui vont minimiser ou maximiser tes chances de taux de pénétration dans l'air. Exemple, il y a des ailerons mieux conçus qui pénalise moins de voitures. La barre est munie d'un type d'aileron selon son ingénieur qui agit moins bien. Hey, on peut-tu juste aller sur le sujet de la richesse? As-tu vu le site que les gens de Bahreïn ont bâti, toi? Une place dans le désert. Oui. Avant, il me semble que les histoires dans le désert, c'était la mort, le désert. Il y avait des crânes, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien à faire. Puis les peuples qui se risquaient de bâtir quelque chose dans le désert, c'était de la merde. Tu as rendu quelque chose? Oh oui, oui, oui. J'ai jamais eu le goût d'aller dans le désert. Puis à ce temps, je veux aller en Arizona tout le temps au golf. Là, j'ai envie d'aller à Bahreïn l'an prochain. Est-ce qu'il y a une place que je veux aller? J'ai trouvé ça beau. As-tu vu le terrain de golf? C'est fou, Red. Gardons bien du cash. On dit 1 sur 14 est millionnaire. Mm. On n'est plus là. Il y avait 3000 personnes hier à David Bowie, André, probablement un des... Tu sais, t'as les Stones, t'as les Beatles. David Bowie fait partie probablement des 15 artistes les plus influents de l'histoire du rock. Partout ce qu'il va, malgré le fait que dans les dernières années, il n'est plus tellement créatif, comme n'importe quel artiste, ses meilleures années sont derrière lui, mais n'empêche que ce genre de spectacle grandiose de gens qui ont développé le rock, ça attire du monde partout sur la planète. Hier à Québec, comment David Bowie a-t-il pu accepter d'être en concurrence avec Star Academy? Aerosmith a baissé les bras le 18. Aerosmith avait 6000 tickets de vendus, on s'attendait à 10 000. Puis là, on s'est dit, ben, on n'en vendra pas plus que 6000. Le 18, c'est la finale. Mais on est en train de mourir. Ces gens-là vont nous étouffer parce que, regarde, t'aurais eu plus de monde à Donnacona, Cibol. On a l'impression d'une ville qui est en train de mourir. Quand David Bowie joue devant 3 à 4 000 personnes au Colisée Quétaine, qu'est-ce que tu dois conclure de la vitalité culturelle et économique du milieu où ça se passe? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tu dois comprendre que, regarde, ils ont juste oublié de fermer la lumière en partant. Non, il n'y a plus rien. C'est triste. Un auditeur me racontait, par contre, avoir assisté hier à la danse de Saint-Guy d'une grande tapette qui s'énervait au son de David Bowie, les jambes toutes molles puis les bras en l'air. Où ça? À David Bowie hier, un dénommé Claude Larose, un des leaders du gouvernement municipal de monsieur... Ah ouais, il était debout puis il dansait? J'ai pu constater dans quelle merde il nous accueille? Non, il était pas dans la merde. Il y avait des petits poignets mous dressés vers le ciel. Puis il se laissait aller aux incantations de la musique de Bowie. Puis il était sous le charme. C'était beau, apparemment. C'était quelque chose que je voudrais pas voir, ça. Apparemment, c'est quelque chose que les gens n'oublieront pas. Sûr. Mais as-tu remarqué l'hypocrisie des artistes? Parce que les artistes, ils disent tout concernant Star Academy. Ça n'a pas de bon sens, Star Academy. C'est bâtir une star overnight. C'est pas ça, la vraie vie d'artiste et de chanteur. La vraie vie, c'est de commencer dans les bars, d'écrire pendant qu'on est quasiment suicidaire, puis drogué et alcoolique, puis d'écrire le premier album comme ça, puis aller se présenter devant les compagnies de disques, se mettre à genoux pour produire son CD, puis ça prend des années. On parle d'une dizaine d'années de dur labeur, puis on travaille fort, alors que c'est écœurant que ces jeunes-là deviennent connus du jour au lendemain, même s'ils ont zéro talent. C'est dégueulasse. C'est pas le même qu'on bat ça. Un téléphone sonne pendant qu'il dit ça à son chum. C'est le producteur de Star Academy. Bonjour, Paul Piché. Ici, je suis le gérant de Julie Snyder. Et c'est moi qui appelle les artistes pour faire le gala du dimanche soir. On aimerait ça que tu fasses l'escalier. Oh, ben oui, je vais y aller tout de suite. Il y a 3 millions de codes d'écoute. Il vend plus, il est plus là. Est-ce que Bigra est allé? Bigra, il est allé pour la... Il a boxé, lui, la semaine passée. Ah oui? Oui, il les a invités dans une salle d'entraînement. Ah, c'est un gars, un amant de sport contact, un gars dur. Oui, il est allé, lui. Un gars qui se laisse pas déconcentrer par des biais. Ah non, puis regarde, tu peux y en mettre un peu, là. Il y en a déjà vu, il en a vécu d'autres. Oui, mais on a présenté ce gars-là comme étant un petit gars de Saint-Henri, un petit tof, là. Oui. Excuse, hein. C'est un fils de psychanalyste. Son père était psychanalyste. C'est des gens extrêmement à l'aise d'Outremont. Ah. La révolte des camisoles. Je pensais justement à celui qui est décédé, là, Pierre Bourgault, qui était tout le temps en train de vouloir protéger les pauvres, la classe sociale, la cime. Il accueillait toujours le monde chez eux avec du gros, avec du champagne à 50 piastres à goutteille dans Outremont. Mmh. On était loin, là, de, tu sais, regarde, de vivre en... On était loin de l'Hôtel du Nord. C'est ça, on était loin. En fait, ces jeans percés se vendaient 250$. Mais en parlant d'hypocrisie, André, ce matin, t'as encore l'histoire de Steve-O à Montréal. Le LCN a provoqué assez de nouvelles pour nous passer en loupe l'histoire qui s'est passée hier en plein centre-ville de Montréal. Il y a un beau plaqué là-dedans. Hein? Je ne sais pas si t'as vu le policier qui sort de sa vanne. Un double échec. Ah, mon Dieu. À la ligne de 10, hein? Il te le rentre dans le mur. Je ne sais pas ce que le petit gars avait fait pour se faire ça, mais... Ouais, mais d'après moi, il avait fait de quoi? T'as su de la manière qui arrive? Tu sais, le gars là qui a monté son collet qui marche tranquillement pour pas se faire voir, là, parce qu'il vient de faire un petit coup puis il pense de s'en tirer. Mais c'est pas arrivé. Il t'a mangé une Saint-Sacrement. Oh, il a mangé à Baptiste. Mais tu sais que l'édifice, ça appartient au groupe Spectra. L'édifice qu'il y a là, il y a depuis quelques années, Spectra, qui a le Spectrum, qui a regarde, toutes les salles de spectacle qui sont rénovées, rebâties, refaites comme on fait actuellement au Spectrum où on met des millions et des millions donnés par le ministère de la Culture. Et c'est les Michel Bélanger, les Simard et toute cette gang-là, la mafia de la culture montréalaise qui en profite. Eh bien, c'est lui l'organisateur du spectacle. Tout le monde sait que Jackass, Steve-O, c'est ce que vous avez eu, puis qui était même surprenant pour les gens qui ont assisté, c'est que c'était moins pire en spectacle que sur les DVD. Ou ce qu'on nous a présenté dans les films ou à la télévision comme MTV, ça a été moins dur que ça. Donc, si tu fais venir un spectacle comme l'a fait André Ménard, qui fait partie des trois gros big shots de Spectra avec Michel Bélanger et compagnie, qui a organisé le spectacle, lui, là, il dit que, hey, il dit ça ce matin, il dit, c'était de toute façon un spectacle complètement imbécile dont le contenu n'avait absolument rien d'intéressant. Plus jamais on va les engager et plus jamais ils vont venir à Montréal dans nos salles. Je la comprends pas parce que finalement, c'est comme s'il avait acheté quelque chose sans savoir ce qu'il achetait, c'est invraisemblable. Ce que je crois pas, mais pas pantoute. Ça faisait la file pour rentrer à 30$ ce ticket dont beaucoup est arrivé avec leur argent en papier, donc on imagine qu'il y avait une boîte à souliers à côté. En plus, c'est un bar, donc c'est une salle qui, ça donne le goût de prendre un coup dans cette salle-là, comme pas à peu près. Ils ont dû vendre une tonne de bière, une tonne de boissons. Ces gars-là ont dû se mettre 50 000$ dans les poches hier. Mais tu sais, ça fait un peu penser à des hypocrites comme le Cogeco, qui est propriété de rongeux de balus puis de bébites d'archevêché, mais qui ont été les pionniers au Québec à la télévision commerciale à présenter des films de cul. Exactement ça. Ah, mais nous autres, les films de cul, on est contre. Nous, les Mormons, on permet même pas à nos enfants d'aller voir des films côté R. On les regarde même pas nous autres-mêmes. Mais on préside un empire de radio-télévision qui présente des films de cul le vendredi soir. C'est la même hypothèse. Le nuit. La même hypocrisie. Yeah. La minute que commence à faire chaud dans la cuisine, ça sauve, ça trouve des raisons. Est-ce que Ménard et Bélanger, le groupe Spectra, la mafia culturelle montréalaise, vont donner les profits à la ville de Montréal pour payer les polices que ça a coûté hier? Je penserais pas, hein? Non, ils vont le garder le profit. Ils vont être bien contents. Ils vont dire, regarde, un petit 50 000 dans la petite poche. Merci à Steve-O de Jackass. On a fait un petit, chèque. Il y a toute une leçon d'hypocrisie quand on s'approche du milieu artistique qui est parfois étonnante. Et le vrai monde, tu as de la misère à les découvrir. Tu sais pas où ils sont. On va s'arrêter un peu, André, comme à l'habitude, ça nous arrive souvent, être indiscipliné un peu. Il est 8h56, puis on revient après. Restez à l'écoute. André Arthur vous revient de l'autre côté de la pause. Quand vient le temps de choisir une Nissan, il y a toujours un maire qui me revient. Capital. Venez chercher votre superbe Nissan Sentra 2004 en location à seulement $199 par mois pour 5 ans avec un léger raconte et zéro dépôt de sécurité. Pour une Sentra 2004, c'est le chiffre Capital Nissan qu'il faut aller. Quand vient le temps de choisir une Nissan? Capital, Nissan Capital, Nissan Capital. C'est quoi l'événement golf? D'abord, ça se passe chez Swing de Golf directement. On a un paquet de spéciaux, dont entre autres un ensemble de golf 7 morceaux à $69.99 pour les gens qui commencent. Des bois haut de gamme en titanium. On a des potters à $9.99. On a des sacs de golf en abondance et on a des bâtons pour juniors également. Pour ceux qui veulent initier les enfants, ben c'est le temps. Pensez à Swing de Golf et l'événement golf qui se poursuit jusqu'au 11 avril. Swing de Golf a également maintenant une boutique sur la rive nord à côté du IGA des Sources. Bonjour madame. Bonjour monsieur, les spécialistes de Portes et Fenêtres Québec ont tout rénové il y a 3 ans, du beau travail. Ok, on peut vous rappeler disons dans 20 ans. Portes et Fenêtres Québec, les prix imbattables, la plus belle salle de montre à Québec, le système triple vert et un choix unique de couleurs garanti 20 ans. Pour une estimation gratuite, faites le 681-7799. Portes et Fenêtres Québec, du beau travail. Vous vous posez des questions sur votre cuisine, sur votre salle de bain et le centre de coupe Paul Deslauriers a la solution. Une équipe qualifiée, plus de 35 ans d'expérience avec une vaste gamme de produits, dont les portes d'armoire, des comptoirs de stratifié, des comptoirs de granit et les nombreux produits en mosaïque comme les comptoirs, les dosserets de cuisine, les intérieurs de douche et de salle de bain. Allez voir cette nouvelle mosaïque de verre, le produit le plus hot actuellement en Amérique. Le centre de coupe Paul Deslauriers au 652-0008. Parallèle de Jeff Lyon. On vlog avec André Arthur. Que Je me souviens-tu, Jeff, oui, d'un article dans l'actualité il y a quelque temps où on s'était fait royalement planter sur les radios poubelles de Québec, où on avait repris les propos de Jean-Paul Lallier comme quoi c'était bien épouvantable la radio de Québec, et ils avaient négligé de dire que le gars qui écrivait leur article était un cadre au soleil qui avait été publié dans l'actualité. Oui. Bon. Martin, dont j'oublie le nom. J'oublie le nom, moi aussi. Ben, j'ai probablement que c'est pas grave d'oublier le nom de ce gars-là, là. Mais ce qui a quelque chose d'extrêmement révélateur, c'est que, il y a quelques jours, l'actualité a publié un article de Pierre Fortin, qui est un économiste très péquiste, un proche de Bernard Landry, qui démontre que les diffusions ne sont, sont financièrement souhaitables et que les diffusions coûteront jamais aussi cher que les fusions actuelles qui sont un gâchis économique majeur. Qui prônent la diffusion dans la région de Québec ont demandé à Actualité d'imprimer pour distribution des tirés à part de la chronique de Pierre Fortin qui démontre que les fusions, pour faire plaisir à Jean-Paul Lallier, ça vaut pas de la crotte. Et voici le mot qu'ils ont reçu de Carole Beaulieu, rédactrice en chef de l'Actualité. Je vous informe que l'Actualité a décidé de n'autoriser aucune reproduction de cette chronique. Hein? L'Actualité a décidé de n'autoriser aucune reproduction. Les groupes qui souhaiteraient diffuser plus largement les propos de M. Fortin peuvent citer quelques paragraphes de sa chronique en donnant la source sans jamais reproduire entièrement la page de l'Actualité. L'ascenseur revient vers les amis de Jean-Paul Lallier à l'Actualité. On publie des choses pour faire plaisir aux crottés qui nous gouvernent, et lorsque quelque chose déplaît aux crottés qui nous gouvernent, les groupes populaires n'obtiennent pas la permission de reproduire ou d'acheter même à l'Actualité des reproductions de l'article. On est à Cuba. On est à Cuba, style contrôle de la pensée. On est à Cuba. Quand les journalistes deviennent complices des autorités en place. C'est fort, cela, là. J'ai devant moi la correspondance échangée entre Simon Wilson de Québec, qui s'occupe de diffusion, et la Beaulieu de l'Actualité, toujours au service des grandes ce monde. Déprimant, hein? Déprimant, puis maintenant, on dirait plus surprenant. C'est ça qui est le pire. C'est ça qui fait le plus grave, c'est que ça nous fâche plus, ça nous indispose plus, ça nous fait plus réagir, on n'a même plus le goût de partir, parce que moi, c'est comme devenu, c'est la game, c'est ça. C'est le même, puis c'est le day to day, on est plus surpris. Non, mais il y a cette espèce de roue qui tourne à vide. Dans la Gazette de ce matin, Alison Haynes de la Gazette reprend les allégations au procès de Gillet sur l'avocate qui fournit des prostituées à des juges qui se laissent influencer. Elle cite des gens qui disent que c'est impossible, elle cite des gens qui disent que ça mériterait d'être enquêté, elle fait remarquer que le ministre de la Justice a reculé là-dessus, elle fait remarquer que le barreau n'a pas bougé, elle fait remarquer que le juge en chef de la Cour supérieure ne bouge pas non plus. Mais elle semble ignorer, ou elle ignore, ou elle fait semblant d'ignorer, que c'est juste un des événements impliquant les juges de la Cour supérieure de Québec. Il y en a d'autres, et la liste continue à s'étirer. Tu sais, on parlait du juge qui a mangé avec Robert Gillet au début du procès, mm-hmm, du juge qui a mangé avec l'avocate de Gillet durant le procès, du juge qui reçoit des prostituées au palais de justice pour régler des causes avec une certaine avocate, et on parlait aussi les juges qui ont refusé des causes à Québec parce qu'ils sont des trop grands amis de Robert Gillet, yes, du juge qui l'a libéré de la responsabilité de ses paroles en affirmant que si ça avait été André Arthur, ça n'aurait pas été la même chose. Puis un autre cas, on parle du fait que Gillet, une fois arrêté, se met sur le téléphone et demande de l'aide. C'est drôle, il y a un nom qui est apparu très rapidement au début, Daniel Bureau. L'avocat Daniel Bureau semble être celui qui a été immédiatement délégué par les amis de Robert Gillet pour aller lui prêter main forte. C'est normal que quelqu'un reçoive l'aide des avocats lorsqu'il est arrêté, mais qui ne s'est pas lui-même présenté à la centrale de police pour aller chercher Robert et lui dire de fermer sa gueule. Il a envoyé une jeune femme dont j'oublie le nom, qui a été ensuite photographié au sortir de la station de police, ouais, je te rappelle. Oui, effectivement, on la voit encore dans les reportages de la télévision. Là, okay. Mais est-ce que Daniel Bureau, qui était en arrière-plan à ce dossier-là, ne serait pas lui-même le beau-frère d'un juge de la Cour supérieure de Québec qui est souvent vu en compagnie de Robert Gillet? En d'autres mots, est-ce que c'est par un juge qu'un avocat a été désigné à Robert Gillet lors de son arrestation? Est-ce que c'est un ami juge de la Cour supérieure de Québec qui aurait envoyé son beau-frère s'occuper de Robert Gillet quand il a été arrêté? Je trouve ça dommage que les gens fonctionnent à vide, comme tu viens de le remarquer. Madame Haynes fait un bon article dans la Gazette, mais comme elle connaît pas le dossier, elle va pas chercher l'essentiel, elle fait pas les recoupements nécessaires. Ça me trouble aussi. Parce qu'une bonne façon de contrôler l'information, D'en dire juste un peu. C'est de l'empêcher de s'additionner. C'est ça. Parce que là, ça s'additionne, mais on refuse d'additionner. Parce que même dans le cas du soleil, la semaine passée, on a gratté un peu la surface, mais on n'a pas été très très loin. On n'a pas empilé toutes les choses une après l'autre, puis ça n'a pas provoqué probablement le raz-de-marée que ça aurait dû provoquer. Sauf que le soleil a quand même fait un article qui s'appelle « Mon chum le juge ». Et celle-là, là, ça m'a épaté, je suis à la signature de Samson. Mais on s'est repris en fin de semaine pour désigner comme une victime la madame de Saint-Lambert. Oui. La madame de Saint-Lambert qui n'a pas voulu parler à choix et qui a reçu des téléphones de bêtises à sa résidence. Ben, faut qu'elle assume, hein? Ben, c'est ça. On peut dire n'importe quoi, mais on peut pas l'assumer. Mais là, on a trouvé un homme pour dire que Robert Gillet est innocent, qu'il doit être libéré par les tribunaux et revenir à la radio. Parce que c'est un mauvais procès qu'il y a eu. On a vu ça dans le journal de samedi, là. Il y a comme ce matin dans la presse, Mariana Zuniga. Je sais pas, j'ai Guy, là. Mais elle a un article, on lui donne un tiers de page ou presque. Elle nous dit que les filles de 14 ans, là, quand ils décident d'être putes puis qu'ils ont de l'argent qui va avec, là, ben regarde, arrêtez de parler de victimes, c'est des putes. Sérieux? Encore une femme. Arrête donc, dans la presse d'aujourd'hui? Oh oui. Elle se soulève contre le fait que des associations de groupes de femmes se portent à la défense de ces jeunes filles-là en les qualifiant de victimes alors que c'est un choix qu'elles ont décidé de faire. Hé! C'est terrible. Mariana Zuniga en bas de la page A15. Donc, elle dit à 14 ans... L'auteur est montréalaise. Ah, mais ça explique tout. À 14 ans, elle peut donc choisir d'être payée pour ses relations sexuelles. À 14 ans, alors que ses compagnes s'avertuent à apprendre un métier, à préparer leur profession, elle commence à vivre de luxe payé par ses clients. Je demandais à une ancienne prostituée juvénile, qui a maintenant un peu plus de 40 ans, pourquoi elle acceptait de rencontrer des clients qui la maltraitaient. Et la réponse a été, mais parce que je ne voulais pas me faire jeter en bas du pont de la porte. Elle disait qu'elle avait été envoyée par son proxénète, André Pélissier, Monsieur Soleil, l'ami des animateurs. Elle avait été envoyée au Concorde pour rencontrer un des plus grands artisans de TVA dans toute l'histoire de la télévision québécoise, qui lui avait comme particularité d'embaucher des jeunes, garçons et filles, pour lui déféquer au visage, dans la bouche. Parce qu'il y en a, c'est du pipi, il y en a, c'est du caca. Un brown shower. Oui. Oh. Un tas brun. Et je lui demandais, oui, mais quand vous saviez, elle dit, le proxénète m'a dit, tu vas voir, il est pas mal spécial. Mais pourquoi tu y allais? Et la réponse était, parce que j'avais peur. Ben, c'est un peu comme ceux qui rentrent dans le crime organisé, puis après 3-4 ans, veulent en sortir. Tu peux pas? Non. Il y a un chienne. Les parents restent responsables de la morale, des valeurs inculquées. C'est les propos du juge Sleeman Martin, ça. Quand il dit, elle est peut-être victime de sa mauvaise éducation, elle est peut-être victime de parents qui ne sont pas occupés d'elle, elle est peut-être victime de son avidité, mais elle n'est pas victime de Robert Gillet. Rappelez-vous, le juge Martin, durant le procès de Robert Gillet. En tout cas, le Soleil nous annonçait dans son courrier des lecteurs que la petite madame avait beaucoup souffert, mais qu'on avait maintenant trouvé un monsieur qui réclame l'absolution de Robert Gillet lors des audiences du mois de mai. Juste avant de se quitter, Nathalie Petrovski écrit ce matin un petit mot sympathique. C'est pour te montrer comment on est devenu de la merde, André, tout ce qui se passe à Québec et tout ce qui... On n'a pas de mérite, on n'a rien. L'histoire de Télé-Québec a parti d'ici l'autre matin, quand je demandais à Séguin, coudon, le ministère du Revenu coûte 500 millions, Télé-Québec en coûte 65. On a encore le moyen d'avoir ça, là, des histoires de même pour faire semblant qu'on est différent. Et la réponse était, effectivement, on n'est pas certain que le gouvernement a à gérer une station de TV, et peut-être que ce serait intéressant de la vendre. Il y aurait des acheteurs. Ouais. Et là, de la part de Nathalie Petrovski, dans le journal de ce matin, pour montrer que ce soit quelqu'un qui dit que je suis un trou de cul dans le journal de Montréal, comme Patrick Lagacé, ça me dérange pas, là, quand le texte est plus cave que ce que moi je fais, là, j'ai aucune difficulté à gober tout ça. Mais quand Nathalie Petrovski nous parle de Québec, puis de Fillon et d'Arthur, comme si on en faisait que de la merde, elle dit, la prochaine fois qu'Yves Séguin aura envie de parler à tort et à travers, je lui suggère de trouver une tribune un peu moins frelatée que celle de Fillon. L'émission Les Francs-Tireurs de Gadon serait tout indiqué. Viens voir nos amis. Ouais. Oui. Nathalie Petrovski un jour m'appelle et dit oui. J'ai besoin de vous rencontrer. Elle travaillait au Devoir, dans le temps où c'était la Bissonnette qui était la patronne. Et la Nathalie s'installe dans mon salon. Dans mon appartement, dans mon salon, avec son odeur de dessous de bras, puis elle mange mes muffins. Et à la, oui, à la fin, ben, peut-être que la route avait été longue, et à la fin de la rencontre, elle me dit, vous savez, je suis un peu embarrassé parce que madame Lise Bissonnette m'a envoyé ici pour vous planter. Puis, je pense pas que j'ai l'information pour vous planter. Mais je ferai bien ce que vous voulez. Elle m'a planté! Elle était super émue de l'entrevue, je suis contente. Je lui avais montré dans ma rue un véhicule qui faisait tourner souvent dans les entrées autour de chez moi. Puis j'avais dit ça, c'est un véhicule qui appartient à un ancien chef de police. Là. Puis il vient checker des affaires, c'est drôle. Je lui avais montré ça. Elle dit que j'avais le regard d'un paranoïaque qui se sentait surveillé. Elle était parano. Ça, c'est Nathalie Petrovski. Alors, Nathalie, plus rien ne m'étonne de vous, même votre odeur. Qu'avais-tu répondu à la lecture de l'article, André? Ça veut dire, j'ai fait confiance la journée qu'à faire des annonces de Right Guard. C'est ça. Oh, ouais. À ce point-là? Ah oui. Ben, c'est personnel, là, c'est juste mon nez, là, mais c'est pas le fun. Moi aussi, j'ai le nez sensible, donc faut bien se tenir. Je s'en mettre épais. Passe une bonne journée, André. Salut. Salut, ben, il y en a 11.